C'est un glissement tout doux là, de la biomasse vers la biomasse, mais cette fois-ci exclusivement à usage chaleur avec Jacques Villevieille, l'expérience de la SIC R43. En fait, nous, au départ, si on est une émanation du territoire, c'est une émanation citoyenne. C'est-à-dire, quand on a créé R43 en 2001, on a des ressources, on a du vent, on a du soleil, on a du bois énergie, et malgré tout, il y a des camions-citernes qui nous embarrassent sur la route qui accèdent au département. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, c'est vrai qu'en 2001, on parlait dans le désert. Enfin, je veux dire, on était un petit groupe d'initiés et ça intéressait personne. Et même les élus, ils étaient très rares à être intéressés par la chose. Donc, on s'était donné pour mission, justement, d'un petit peu de solliciter les élus. Et à force de leur tirer la manche, ils nous disaient, oui, mais c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Combien ça coûte? Comment ça pourrait se passer? Donc là, on s'est donné une compétence bureau d'études. Alors, on a fait des analyses d'opportunités éoliennes, des analyses d'opportunités photovoltaïques. Et puis bois énergie, parce qu'en fait on s'est rendu compte rapidement que quand on commençait à parler d'électricité, on était sous influence très forte des pouvoirs publics et d'EDF, et comme ça changeait assez rapidement et on ne pouvait pas maîtriser le sujet, on a mis ça un petit peu de côté, et on s'est concentré plus sur la partie bois énergie qui faisait consensus. Quelles que soient, j'allais dire, les tendances politiques qui étaient en face, tout le monde est à peu près d'accord sur notre territoire pour reconnaître que la forêt est importante, la forêt croît. La forêt n'est pas entretenue, le bois qui pousse a peu de valeur marchande, du fait qu'il n'y a pas d'entretien de la forêt. Et donc, il y a un potentiel sous-utilisé qui, les gens croient être assis sur une fortune, et en fait, malheureusement, ça vaut pas grand-chose, quoi. C'est beaucoup de plantations, dessous, c'est tout mort, c'est tout des plantations d'épineux, il n'y a rien, il n'y a pas de champignons, enfin, c'est pas top comme forêt. Donc, on a essayé de faire des études, et à chaque fois, on arrivait plus ou moins à la conclusion que les réseaux de chaleur, c'était pas valable. C'était pas valable soit parce que le réseau n'était pas assez grand, donc on cherchait à regrouper d'autres habitations, et puis là, comme on a un habitat qui est assez dispersé, ça devenait plus rentable, pas parce qu'on n'avait pas assez d'habitations, mais parce que les réseaux étaient trop longs. Enfin, c'était un peu contre-productif, on se faisait payer pour faire des études qui dans la conclusion, était de dire qu'il fallait pas faire, quoi. Donc c'était gênant pour... Enfin, ça nous indisposait. Donc ça faisait 6 ans, 7 ans qu'on était sur le territoire, et puis il y a eu ce qui s'est appelé les pôles d'excellence rurale, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui avait été lancé en 2006, et les élus de l'arrondissement Yssingelais, l'est du 43, avaient décidé de faire un pôle d'excellence rurale sur la thématique du bois énergie, mais ils ne savaient pas par où l'attraper. Alors ils avaient repéré tout un tas de projets qui sortaient un peu à droite à gauche sur le territoire, mais ils ne savaient pas comment le mettre en forme pour présenter le dossier auprès de la préfecture. Alors ils nous ont sollicité pour essayer de mettre ça en forme. Et comme on avait pas mal réfléchi à la question, on a essayé de faire ce qu'on appelle une approche systémique. On avait découpé la thématique comme ça en quatre thèmes. Les propriétaires de forêt, la collecte et la transformation du bois, la transformation du combustible en chaleur et l'utilisation de chauffage. Et à l'époque, on avait découpé ça en plusieurs filières. Donc il y avait la plaquette industrielle, la plaquette en circuit court, le bûche et le granulé. Et nous, on s'était aperçu à l'époque que nous, ce qui nous intéressait surtout, en tant qu'R43, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'était de développer la plaquette en circuit court. Et on s'était aperçu qu'il manquait un élément, c'était un système de chaufferie qui permettrait de transformer le combustible en chaleur au plus près du besoin. C'est-à-dire qu'il existait les gros réseaux industriels, comme vous avez dû certainement entendre parler. Il y avait les petites chaudières automatiques que chacun peut installer chez soi. Mais chacun avait ses limites, c'est-à-dire que les petites chaudières automatiques, c'est bien joli, mais c'est un investissement qui est très très lourd, donc ça c'était réservé aux gens très motivés, et il ne faut pas regarder l'aspect économique. Et puis il y avait les gros réseaux industriels, donc les gros réseaux industriels, c'était impeccable dans la préfecture, éventuellement dans les sous-préfectures, et puis quand on en avait fait trois sur le département, le problème était... Enfin, on avait atteint les limites du système. Donc nous on avait dit aux élus, il faut trouver quelqu'un qui fasse des micro-chaufferies. Puis c'est resté lettre morte, ça n'a pas avancé, et nous ça nous gênait toujours pareil. Hein. Bon, ben, si personne ne veut pas le faire, on va s'y mettre, on va le faire. Donc on a conçu et on a développé une chaufferie type, voilà, qu'on a appelée modulaire, où il y a un silo dans la partie circulaire à l'arrière et la chaufferie dans la partie avant. Donc en fait, on est parti de chaudières individuelles qui vont en général de 20 à 200 kW. Et généralement, les fabricants de chaudières, ils vendent plutôt des 40-50 kW. Et nous, on a dit, ben, on va travailler en partie haute de puissance, donc entre 100 et 200 kW. Et donc, on a commencé à présenter ce type de chaufferie. Il y a une équipe d'élus, la communauté de communes du Haut-Lignon, donc sur le Haut-Vivarais, à la limite de la Haute-Loire et de l'Ardèche, qui nous a dit, nous, votre projet nous intéresse. Parce que nous, l'objectif, ce qu'on s'était mis comme objectif, c'était vraiment de donner de la valeur au bois. Si, nous, la forêt, elle est à 90% privée. Et si on veut que les gens ils se décarcassent à aller chercher le bois, parce que ça ça fait transpirer, c'est le cas de le dire, il faut le payer un minimum. Et les gros réseaux de chaleur industrielle, en général, ils achètent le bois à 40 euros la tonne. Personnellement, pour avoir fait un peu de bois, franchement, sortir une tonne de bois pour 40 euros, ça, c'est pas la peine. Donc l'idée, c'était comment on trouve une astuce pour payer mieux le bois. Et pour payer mieux le bois, c'est de lui donner plus de valeur ajoutée. Donc c'est au lieu de brûler de la plaquette humide, c'est de brûler de la plaquette sèche. Donc le cahier des charges, entre guillemets, qu'on s'était donné, c'était de pouvoir acheter le bois en bord de parcelle 120 euros. Donc trois fois le prix que donne un Cofeli ou un Dalkia. Donc cette approche-là, le territoire en question, là, la communauté de communes, ça lui plaisait bien. Il faut avoir l'honnêteté de le lire. Ils ont fait un appel d'offres qui nous permettait de répondre avec ce type de produit qui était quand même, au départ, qui était qu'un concept. Hein, ils ont pris un risque. Et là, je dois le mettre en avant. Et il y a eu un vrai courage politique. Et c'est suffisamment... Enfin, au moins chez nous, c'est un peu rare. Voilà. Ils nous ont fait confiance. Donc, on a installé la chaufferie. Et puis, derrière, quand on a voulu la mettre en marche, on leur a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on met comme bois ? Ils nous ont dit, je sais pas, vous avez une idée ? Ah, on va en trouver des idées. Donc, on a trouvé des idées, on a trouvé du bois. Et de fil en aiguille, on a développé notre système. Et donc, aujourd'hui, on a 5 chaufferies comme ça installées. Et en fait, on s'est aperçu de fil en aiguille que ce qui avait la meilleure perception auprès du public, c'était vraiment un service clé en main de l'arbre au radiateur. C'est-à-dire, quand on vient vendre une chaufferie, on a vendu la chaufferie, puis c'est bon qu'ils nous faisaient confiance, parce que derrière, il n'y avait personne pour y mettre du bois dedans. Donc en fait, on s'est aperçu qu'il fallait apporter la chaufferie, qu'il fallait apporter le bois, et que si en tant qu'affaire, on apportait le financement, ce n'était pas plus mal. Donc sur les 6, aujourd'hui, il y en a 3 qui nous appartiennent. En même temps, j'allais dire, je ne sais pas si vous connaissez un peu en organisation industrielle, il y a 2 façons de faire avancer une filière. Soit on la pousse, soit on la tire. Alors pendant longtemps, on a dit, il faut fournir de la plaquette, ça fera sortir les chaufferies. Ça, c'est la méthode, on pousse. Nous, on avait plutôt pensé que si on mettait les chaufferies, ça tirerait, c'est-à-dire que ça inciterait les gens à faire de la plaquette. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, puisque quand on a mis nos chaufferies, on nous a demandé de les remplir, donc il nous a fallu aller chercher le bois. Donc on est tombé un peu dans notre propre piège, mais en même temps, c'est ce qui nous a fait avancer. Et donc, alors du coup, après, on a été obligé de faire, malgré tout, une zone de stockage. Donc la communauté de communes, toujours dans la logique un peu de partenariat tacite, il n'y a rien d'écrit, mais dans l'idée, on est dans la même logique, nous a dit, on a une zone artisanale, ça ne se bouscule pas au portillon pour prendre les terrains. Ce qu'on vous propose, on vous vend le terrain au prix du terrassement. Donc on est parti là-dessus. On a construit ce hangar. Alors à l'époque, c'était où les tarifs photovoltaïques allaient bien. Donc ça nous a permis de faire un hangar qui s'autofinance. Donc du coup, on peut faire sécher notre bois sans que ça coûte sur le prix du bois. Donc ça, c'est un point qui nous permet d'avancer. Après, toujours dans la logique de collecte, on a mis en place un système qui nous permet de récupérer du tout petit bois. Donc les particuliers, ils en font des tas au bord, comme ça, vous voyez. Et puis nous, on l'amène sous notre hangar avec un engin un peu spécifique. Après, on travaille avec une Cuma qui nous permet de broyer le bois et on le livre toujours avec un engin qu'on a été plus ou moins obligé de développer nous-mêmes pour essayer de raccourcir au maximum la filière. En fait, la plaquette, moins on la transporte, mieux c'est. Enfin, le bois, il faut aller le plus court possible. Le challenge, c'est de la prendre au bord de la forêt et de l'amener dans la chaufferie le plus rapidement possible, tant sur les aspects trésorerie et financière que même sur l'aspect vie du produit. La plaquette, c'est quelque chose qui, dans le temps, ça se dénature. Donc, entre le moment où on le broie et le moment où on le brûle, il faut que ça soit le plus court possible. Bon, aussi, on a travaillé pas mal pour toujours optimiser, standardiser. Donc, maintenant, on fait nos chaufferies en usine. Une entreprise à côté de où on a installé la première chaufferie. Le charpentier en question, ça l'intéressait. Il est venu voir, on a sympathisé, puis hop, ça a été parti. Et on les transporte quasiment finis. Ce qui fait qu'en gros, on met la chaufferie en route en 3 jours. Entre le moment où on enterre le tuyau et après, on vient poser la chaufferie. 3 jours après, on fait fonctionner. Juste pour vous dire où c'est qu'on en est aujourd'hui, parce que c'est important, ça date de mardi. La problématique qu'on a par rapport à ces petites chaufferies, c'est le financement. Comme je vous l'ai dit, si on amène le financement, c'est mieux. Il faut savoir qu'avec la crise économique qui a attaqué les finances publiques très, très sérieusement l'an dernier, l'ADEME a modifié son cahier des charges en disant « on veut du chiffre maintenant, donc les petites chaufferies, on veut pas, enfin les petites chaufferies circuler, on veut du chiffre, on veut du gros ». Alors moi, ça faisait déjà, j'avais un peu senti venir le coup et je leur avais dit, mais si je vous fais un ensemble de petits projets, c'est, à un moment, ça fera bien un gros, quoi. Ce qui compte, c'est le résultat, quoi. Nous, ce qu'on voulait, c'était rentrer dans le fonds chaleur. Donc le fonds chaleur, c'est l'équivalent de 250 000 litres de fuel par an à remplacer. Que ce soit sur un site ou sur plusieurs sites, ce qui compte, c'est les 250 000 litres de fuel, quoi. Et à force d'insister... En début d'année, ils ont changé leur modalité de fonctionnement. Ils sont passés sur une logique d'appel à projet. Et donc là, on a sauté sur l'occasion et on a déposé un dossier où on arrivait aux 250 000 litres de fuel avec 12 chaufferies qui sont donc réparties sur un arrondissement. Là, il n'y a pas l'échelle, mais en gros, ça fait un cercle de 20 km de diamètre. Il y a un jury qui nous a dit « c'est très bien ce que vous voulez faire, vous êtes lauréat de l'appel à projet ». Mais par contre, enfin c'est pas dit comme ça, mais en gros c'est « on sait pas combien on va pouvoir vous donner ». Et on a passé tout l'été en passant par des hauts et des bas. Au mois de juillet c'était quasiment mort. Et puis la semaine dernière on a réussi à faire venir le directeur régional, le directeur du directeur régional et puis encore un autre directeur. il y en avait pour cher dans la voiture. On a tout bien expliqué le projet. Et donc on est passé en commission de décision mardi, donc il y a deux jours. Et donc a priori l'ADEME accepte de suivre le projet innovant comme il ferait pour un gros réseau, quoi. C'est quand même une thématique complexe. Il faut vraiment maîtriser le plus possible l'ensemble des maillons parce qu'en fait, il y a certaines opérations qui dégagent des marges. L'installation, enfin bref, quand on arrive à acheter le matériel, il y a des marges sur le prix du matériel. Mais par contre, il y a d'autres opérations qui, elles, sont déficitaires. La collecte du bois, c'est déficitaire. Et la plus grosse difficulté qu'on a eue, nous, c'est à faire partager. Au départ, on avait créé une coopérative en espérant qu'on ferait entrer des intervenants dans la coopérative et puis on ferait partager un peu les marges. Et en fait, on n'est pas arrivé, donc il a fallu qu'on intègre en interne et que la répartition des marges se fasse en interne directement, quoi. En gros, en général, c'est par exemple un centre de vacances, comme ici. Il y en a une autre, on chauffe l'école, la salle polyvalente, l'église. Une autre, on chauffe l'école, le temple, le presbytère, la maison des jeunes et deux particuliers. Une autre, on chauffe un très grand restaurant avec hôtel, piscine et compagnie. Une autre, c'est encore un autre centre de vacances. Une entreprise de mécanique. Et la dernière... c'est celle que je vous ai fait voir, là, un atelier relais et un boulodrome couvert à 1100 mètres d'altitude. À chaque fois, plus ou moins, on est arrivé à entre 35 et 48% de finances publiques. Malgré les travaux d'optimisation pour réduire les coûts et compagnie, il faut quand même encore presque 40 et 50% de... Pour retomber sur nos pattes, enfin, on en parlait ce matin, la problématique, c'est que les banques, elles disent, nous, on veut un temps de retour brut de 7 ans. Alors, je vois pas pourquoi d'où ça sort, mais c'est comme ça. Alors que ça pourrait très bien être 12 ou 14, quoi, mais non. Et ça change quand même beaucoup la donne, le fait de pouvoir prolonger comme ça. Alors, on est 60 associés, donc on est une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc, il y a, je dirais, une trentaine de personnes physiques des origines, qui étaient en clair plutôt des profs de l'enseignement technique, hein, pour faire simple, mais c'était un peu ça quand même. Et puis après, il s'est greffé petit à petit des professionnels qui ont partagé notre philosophie. Donc il y a un forestier, il y a deux plombiers, deux électriciens, un ramoneur. Enfin, on a essayé d'étoffer le collectif avec les compétences professionnelles qui émergeaient au fur et à mesure. On n'a pas encore de partenaire banquier associé, mais...